100% Explicit Lyrics. Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne 100% rap français avec quelqu'un qui est entrepreneur, passionné de musique, écrivain. Papa. Qu'est-ce que j'ai oublié? Papa aussi, c'est peut-être le rôle le plus important. Monsieur Fif de Bouscapé, vous connaissez tous le site qui va fêter ses 10 ans, dis donc Fif. Ouais, le 31 octobre. C'est ça, bientôt, ça approche. Grave, ça approche. C'est un truc de fou, 10 ans, j'aurais jamais cru ça. Vraiment. Et il s'en est passé des belles choses quand même sur ces 10 dernières années. Tellement, il s'est passé tellement de trucs. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler sur un docu. On bosse sur un docu sur les 10 ans de Bouscapé. Mais voilà, en 10 ans, depuis 2005, on l'a ouvert officiellement le 31 octobre 2005. Et voilà, on a vu passer tellement de gens. Mais on a rencontré tellement de gens, tellement de beau monde, et c'est une belle expérience. Vraiment, c'est. Et puis ce qu'il y a de beau, c'est que ça continue. Puisque tu as regroupé justement des grands noms du rap français, d'autres qui sont en développement aussi, des nouveaux artistes sur. Alors il n'y a plus la Bouscatape. Si, il y a toujours ça, c'est en stand-by. C'est une sorte de Bouscatape, mais avec un autre nom. Voilà, c'est un autre nom. T'as vu, le Bouska, il bouge pas, et après, il y aura d'autres trucs. T'as vu, on peut faire même Bouscafrica, Bouscazouk, Bouscamérica, Bouscasalsa. Le mec est loin, voilà. il est loin. On décline le truc. C'est. Voilà. Il y a pas de, c'est pas figé. Donc là, il y a Bouscapefra. Voilà, là, c'est la compil Bouscapefra. Volume 1 qui est sorti quoi, il y a une quinzaine de jours maintenant. Le 22 juin. 22 juin dernier. Yes. Donc l'ambition, c'était quoi de la Bouscapefra? Ouais, c'est comme la Bouscatape. En fait, c'est un prolongement de ce qu'on fait sur le site. Voilà, sur le site Bouscapé, voilà, tu sais, on aime bien faire des freestyles, enfin faire découvrir des artistes avec des freestyles. Et là, on se dit, ben, pourquoi pas aussi les mettre sur CD, quoi, regrouper tout ce beau monde sur un CD. Donc le but, c'est de prendre des gens entre guillemets inconnus. Le futur, je vais pas dire relève, sinon on va encore me dire donc voilà les, ou alors ceux qui sont voilà, ceux qui sont chauds quoi, les gens qui sont chauds, on va dire voilà, ce qu'on appelle les rookies quoi, voilà aussi. Les gens ils pleurent, les gens chauds du moment, on va dire c'est les gens chauds du moment, t'as raison, les gens qui sont chauds. Après il y a pas tout le monde, parce qu'il y a d'autres gens qui sont chauds et qui sont pas dessus, mais voilà les gens qui sont chauds. Bon, et ben on va découvrir donc tout ça. Il y a des invités aussi qu'on vous présentera dans un instant qui sont sur la Bouscapefra. Yes, exactement. Donc t'as Vald à ma droite et tu as Bogdan à ma gauche. Et ben on présente tout le monde juste après deux morceaux de la Bouscapefra, ou au moins un titre extrait de la Bouscapefra. Voilà. Donc, on attaque. Ouais. RODK, mauvais réveil, inédit. C'est maintenant dans la nocturne, Fif au contrôle. Bouscapefra au contrôle. 100% rap français. Bouscapefra volume 1, du site numéro 1 du rap français. Bouscapé, RDK, mauvais réveil, exclusif. Non mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là, qui veulent tous rapper? Tous ces MC nazes et lâches qui nous foutent la paix. C'est moi ou ils sont quasiment tous claqués? T'inquiète même pas, je ramène la peuf rap au Bouscapé. Trop de rimes dans le crâne, regarde, je leur coupe la paix. Moi je ne rigole pas les gars, je débarque dégagé. Chaque chose en son temps, faut que vous le sachiez. Je vais commencer par les claques et reviendrai vous mettre la rousse après. Au volant de mon flow, je fais peur, faut que le rein dise. 8340 au compteur et tu voudrais que je roule à 90. Accélération, le moteur était brisé comme le regard d'un chinois complexé après l'opération. Crise de rire pour pas changer. Si faire de la trappe est une prise de risque, on n'a pas la même notion du danger. Ils m'ont pris pour un de ces débiles. Et puis c'est vrai les gars, c'est qu'on confond de l'encre des débiles avec les villes. Ils ont pourri nos rêves, posé nos blagues sur ce qu'ils appellent blacklist. Sourire aux lèvres, pose des bonnets d'âme sur vos têtes d'affiche. Tu veux classer, tu cherches la brèche pour parler de nos fautes. Je te tends une perche mais n'essaie même pas, la barre est trop haute. Leur honneur est sali, j'ai l'amour propre qu'ils n'ont plus. Ils ont plus de face et d'envie non plus. En apparence, on a les mêmes espérances. C'est ce que ces MC ont cru, mais je vise le sens, le top de la performance. Moi, pas le million de vues. Me fout de la gloire et d'avoir le dernier Merco Brabus. Aussi vrai que la plus belle rose noire de l'histoire a poussé dans un doute. En nous, quelque chose de Tennessee. Moi, c'est dans la gorge. Regarde, mensonge et pas l'hiverne. Sont tous morts pendus à mes cordes vocales. Je me fous de ce qu'ils racontent, vu que les trois quarts perdent la tête. Le coup, pour moi, ce qui compte, c'est bien de rendre fier Marseille. Les MC font honte, sont bons pour le Père Lachaise. Rappelez-moi quand le niveau remonte, je repars faire ma sieste. Yeah! Exclusivité Bouscapefra, RDK, mauvais réveil, DJ Mystique et la légende. Bouscapefra, volume 1, Prada, Gucci. 100% explicit lyrics. La nocturne. Ya, touchdown. Hop là. Hop là. Maintenant nous on nique des putes. Je vous laisse niquer la concurrence. Ça y est, j'ai signé. J'ai des euros dans mon compte courant. Pipi pourra. Le premier qui vient, il va courir. Je veux traîner avec nous. Allez, casse ta mère, t'as aucun courage. J'suis à Dakar, j'suis en claquette. Malaki vient de se faire plaquer. Le rap ne marche pas, je repique, grave des plaquettes. À vrai dire, à vrai dire, à vrai dire. Des vrais durs, des vrais durs, des vrais durs. Les euros, la bagarre. 80 euros, welcome to jungle. Me dis, ferme ta le gueule, apprécie le mango. Bah. Et numéro 1, t'as bien vu. Fais pas le gogo, là au bédoli gogo. Bah. Madame, les briques vont me battre. Ouais. Trafic, un déjou la guitare. RAK, on fait le piano. Mauvais comportement auprès du Très-Haut. Auprès du Très-Haut. Les rochers du blé. Je me suis lavé. J'suis dans le carré vif. Au fond avec la paix. Gestuel, gestuel, gestuel. Gestuel, comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement, blah. Comportement, comportement, blah. Comportement, comportement, blah. Comportement, comportement, blah. Comportement, comportement, blah. Comportement, comportement, Bibi, tous les jours, chez nous il pleut des balles. Bah, bah, je prends une douche, je compte mes euros. Ma mère va bien, n'est plus malheureuse. J'suis en showcase dans une boîte, ma sécurité fait l'ouvreuse. La Guinée des Guinées. Il est jaloux, il a tous les mots de passe, il a même son copine. Mais il est inconscient, menteur. Arrêtez donc de faire les provocateurs. Contrat sur toi dans 24 heures. Si on t'attrape, tu vas faire du beau codeur. Ma chérie ne prend pas de warash. Mais comment tu veux la combler? Avec ton zizi de Nawash. Kardashian vient de me follow. Beyoncé doit me rappeler. Rihanna veut que je vienne, mais j'ai pas le temps. Elle a ses glorées, elle a ses glorées. Négroche, j'ai du blé. Je me suis lavé. J'suis dans le carré vif. Au fond avec la paix. Gestuel, gestuel, gestuel. Gestuel, gestuel. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. C'est la nocturne 100% rap français, FIF au contrôle, la bousca peufra sur Skyrock. Il est chaud ce morceau. Il est chaud ce morceau, hein. Mais Niska, il fait partie des mecs chauds aussi du moment. Ouais, il fait partie des mecs chauds. Alors ce morceau, je précise, il est pas sur le projet. Ouais. Ça, c'est un freestyle inédit juste pour Bouscapé. Sinon, il y a Allo Maître Simona. Ah, exactement. Mm. Le track numéro 2. Donc, mais Niska, voilà, il fait partie de ces MC du moment qui sont chauds et qui sont très très chauds. Avec son PSG Mathieu Dicharo, dès que tu le mets, voilà. Présente-nous Niska, il vient de ta Niska, région. Niska, exactement. Il vient d'Evry, le quartier juste à côté, chantier du Coq. Donc bah ça c'est quelqu'un que t'as vu quand tu l'as vu? Non, moi je le connais pas, j'ai découvert cette année en fait. Mm-hmm. J'ai découvert cette année sur des vidéos de Tonton Marcel qui a été le premier à le filmer. J'ai vu ça, j'ai découvert, j'ai dit à voir et tout. Et après bah il a fait ses trucs et tu sens que voilà, il y a un engouement, il a un délire le mec. Donc moi j'ai découvert cette année, je le connaissais pas en début d'année. Donc faudra le guetter là, ça arrivera d'ici la fin de l'année 2015. Exactement, il sort son projet le 2 octobre. Et il est donc présent sur la Bouska Peufra volume 1 qui est dans les bacs depuis le 22 juin. Exact. Faisons un petit peu les présentations là, puisque t'es pas venu seul, on commence par qui? On va commencer par Vald. Vald qui est là, bonjour, voilà. Bonjour. Un truc qu'on ne fait pas du tout en ce moment. Bonjour. Ouais. Bonjour. Le truc pas chiant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un morceau de Vald. Évidemment, ça va. Ouais. Ça va très bien. Bon, en même temps, là, ce serait plutôt bonsoir à cette heure-là. Ouais, bonsoir. C'est la night. C'est la version remix. Donc tu prépares Vald. Y a pas... Voilà. Parce que le bonjour, il est déjà sale. Donc le bonsoir, peut-être en préparation, je sais pas. Un midi. Non. Non. Pas tout de suite. Ouais, non. Bon, hein. Pas au classique. Alors, Fif, déjà un mot sur Vald. Pourquoi est-ce qu'il est présent? Pourquoi est-ce que tu as voulu qu'il soit sur la Bouska Peufra? Parce que j'aime bien Vald. J'aime bien. Ça tombe bien en même temps. Ouais. Non, mais sur le projet, il n'y a que des gens que j'aime bien. Tu vois, c'est des gens que j'écoute et que j'aime bien. Non, Vald, j'aime bien son côté foufou. Il est fou un peu. Tu vois, j'aime bien son rap et j'aime bien sa folie en fait. J'aime bien son délire. Même tu le vois, tu vois comme ça et tout, tu sais pas ce qu'il pense en plus. Tu sais, il est comme les fous dans les films, mais de toute façon, tu regardes ses clips, c'est que des trucs de fou. C'est que, tu sais, on dirait un psychopathe un peu, tu vois.

La nocturne. Je passe ta gueule au Karcher. Éjaculation faciale. La concurrence est par terre. Je suis dans ma station spatiale. Appelle Pascal le grand frère. Je suis de la génération des classes sociales. Que tous mes potos partent au ciel. Que tous mes ennemis partent au diable. Dis-leur que tous mes ennemis partent au diable. Pas de choses clairs, on pense à part au style. Je rappe trop sale, il faut que je me barre aux têtes. Je suis solo, passé minuit, je parle au sky. Tellement chaud, j'arrive à poil en Alaska. Boule de neige dans la chatte à ta mère. Ok, derrière moi et tout un tas de lascar. Je rappe pour les vrais, pas pour les petits bâtards. Je pèse quelques bitches, mais je suis célibataire. Eh hey, ma belle, tu voudras plus de ma bite quand je serai plus bactère. Pas de tête à tête, que des têtes à queue dans les sanitaires. À ce qui paraît, toi t'es vierge, allez ferme ta gueule, moi je suis sagittaire. Je suis venu, j'ai vu, j'ai fait du sale, je me barre. Je remets ça l'année prochaine. Rien à foutre si tu pousses à la salle de sport. Moi je soulève des grosses chiennes. Arrête de rapper mes dos, chance te plaît. La LF c'est moi, poteau, je tombe à pic. Ce que je veux, c'est brasser dans un champ de blé. Pas les couilles des boîtes de choc à pic. J'arrive et ça fait boum dans ta sœur. Elle touche, je la retouille, tourne, je la retourne. Tu me sais prêt pourtant, t'as le seum. Donc sus ma bite, là c'est mon retour. Ouais, c'est mon retour. Motherfucker, I'm back, j'suis toujours debout. J'suis toujours avec le poteau Blackjack. Toujours inséparable comme une paire de boules. Ok, c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça qu'on fait quand on est sur Paris. C'est comme ça qu'on fait des sous. C'est comme ça qu'on fait rentrer la thune. Arrête, arrête. Je veux des gamins salement des putes de Bulgarie. C'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça qu'on fait quand on est sur Paris. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Ouais, comme ça qu'on fait chez nous. Dis-leur que c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça qu'on fait quand on est sur Paris. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Ouais, comme ça qu'on fait chez nous. Photos, c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça qu'on fait quand on est sur Paris. Je n'aime pas les teutrés. Je marche seul. Je prends du poids, je fais maigrir les jaloux. Jamais dans l'à peu près. T'as le seum. C'est tant si je fais que du sale, oui, j'avoue. Le rap, c'est mon que gré. Ma gueule. La rue, c'est qu'une lobe, ça sur mes genoux. Demande à MZ Tré. Pas de bluff. Bien sûr que c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça qu'on fait, y'a rien à dire de plus. Rappeur, avale-moi la queue. Je me compare avec tous ces fils de pute. J'ai rien à voir avec eux. Moi, c'est Pog, motherfucker. Je suis pas là pour faire la salope. Hey, je m'en bats les yucks de savoir combien versent les allocs. Ma belle ralentit ton lapins. Suce-moi la clé de sol. Le premier qui pose le front sur le sol. Penalty dans sa tête. Prends que des penalties dans sa tête. Vas-y, reste par terre, je vais viser la lune. MC pompe ma bite, je te la prête. À ce qui paraît, j'ai le goût du bitume. Hey, on n'a pas ton time. Change de puce, gros, t'es grave cramé. Y'a que les montagnes et les jambes des putes qui se croisent jamais. Eh, je suis un putain de phénix, tu peux pas me canner. Depuis mes débuts, mes ennemis faiblissent, vous êtes mal barrés. Ok, c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça qu'on fait quand on est sur Paris. C'est comme ça qu'on fait des sous. C'est comme ça qu'on fait rentrer la thune. Arrête, arrête. Je veux des gamins salement des putes de Bulgarie. C'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça qu'on fait quand on est sur Paris. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Ouais, comme ça qu'on fait chez nous. Dis-leur que c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça qu'on fait quand on est sur Paris. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Ouais, comme ça qu'on fait chez nous. Photo, c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça qu'on fait quand on est sur Paris. Tous les man beat, j'crache des pierres, mon CD, des boîtes. C'est la nocturne. Tous les man beat. Et vous l'entendez, c'est évidemment un album qui est mixé pour. Bien sûr, on a voulu. Je vais pas dire innover parce que c'est pas vrai, mais comme ça se fait plus et comme voilà. On a voulu innover sur les mixtapes. On lance un nouveau concept, ça s'appelle mixtape. Non, mais parce que voilà, c'est un truc qui s'est perdu et que ah, voilà, c'est vrai, t'as raison. On a été élevé à la au Cut Killer, au DJ Post, au mixtape, ce qu'on appelait les mixtapes. Les voilà, les mixtapes. Et donc nous, voilà, on voulait faire ça. Donc les morceaux ils sont enchaînés, c'est pour ça qu'à la fin par DJ Mist qu'on salue. Exactement, DJ Mist. Et voilà, ça fait et qui ça fait je sais pas 2-3 ans qu'on bosse ensemble. Il fait les Bouscamix. Les Bouscamix, ouais, sur le site. Donc voilà. Et voilà, donc c'est lui qui mixe la compile. Et qui est très bien mixé d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le salue doublement. Voilà, donc exactement. Un morceau qu'on a écouté à l'instant, il y avait Val juste avant, Val qui est avec nous. Avec Selfie, ce soir. Alors le Selfie, il est lourd ou quoi ? Il tue le Selfie. Ah, mais le projet est très fort, hein, le projet de Val. Hein. Ouais, mais. Parce qu'on a mis Selfie, mais on pourra en mettre d'autres aussi. Hein. Mais ouais, mais grave, si on a le temps, on pourra même en mettre un aussi. Si le manager, il. Mais. Voilà, et là on a passé un son de Bogdan. Bogdan, alors qui est Bogdan? Alors Bogdan, personne ne le connaît parce que il a pas fait grand chose. Toi par exemple, Val, tu connaissais Bogdan? Non. Non, en fait, toi, pour la première fois. Il y a beaucoup d'artistes qui nous envoient des sons à chaque fois. Mm-hmm. Donc voilà, on l'a découvert via bah, par rapport à ces trucs qu'il nous a envoyés. On a bien aimé. C'est un rappeur de Paname, du 15e. Voilà, c'est un petit jeune de 20 ans, il fait tout seul. Les prods et tout, il enregistre, il écrit, voilà, il fait tout seul. Et voilà, donc je vais lui laisser un peu la parole. Ça va, Bogdan ? Ouais, bien à toi. En forme ? Ouais, ouais. Bah écoute, bienvenue donc dans la nocturne. Merci, ça fait plaisir. Tu es donc présent sur ce projet. T'as été halluciné quand Fif t'a appelé pour y participer ou pas ? Ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Un peu. À mon niveau, franchement, je m'attendais pas, mais maintenant, c'est fait, c'est fait. Bah c'est bien en même temps.

regards sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. Connaissez ? Sarcelle, gare, 11h, le soleil brille. Je me lève tard, tant pis, chercherai du taf lundi. J'allume un stéréo sur du Itzo. Le temps de regrouper mes idées avant ma série préférée. Je vais me doucher, déjeuner et mettre mon nouveau Lacoste pour flamber. Qu'est-ce que je vais encore foutre de ma journée ? Les bécanes font un bruit à réveiller un mort. La capitale des Lascar n'est pas tranquille pour un mec qui dort. Cette nuit j'ai fait un rêve, à vrai dire un cauchemar. Faut que j'écrive, ça fera sûrement un rap pour plus tard, il est midi. La chaleur fait monter chez moi. L'odeur du tchep est contenée du deuxième. Le couscous et Colombo du troisième. Mélangé au saka, saka du quatrième. Comme le dit Jack, chichi des contracts dans chaque appart. Ça sent la bouffe, une vie de ouf. Dans mes escaliers, tout le monde a signé. D'autres ont pissé, des chiens ont chié. Il n'y a plus de respect, donc la gardienne gueule sa mère. Fait des si malgré, ma famille crie. Tu vas me tuer. Je dois m'évader, il est 13h. Descends faire du bis dans le quartier. Un mec de la base propose un putain de planage. Et toi, tu peux te faire du son que c'est moi dans un bateau là, hein. Ce chapelet est enculé, a dû me prendre pour un toxico. De plus en plus d'autres vars, tous prisonniers de l'animaux. Dur de bosser au cachot alors qu'il fait chaud. On surveille ses arrières pour ne pas se faire serrer. C'est ça, un été à la cité. Le soleil brûle sa mère. On pourrait fondre du cobalt. Halt. Moi et mes solutions green, aucune mec sur l'asphalte. Ceux en galère des femmes ou allergiques à Paname. Reste faire l'argent dans la dyname. Messieurs, mesdames, attends par ce temps, c'est chiant. On se raconte des histoires d'avant, du bon vieux temps. Comme si on avait 50 ans. Blam, clac, quelques flics s'arrêtent. Font du cinéma pour montrer aux Français qu'ils peuvent entrer dans les cités. Mais quand il y a du dawa. En voyant passer les raclis de la Tessie, je pense à cette partie au pays. Elles vont revenir cramées, bondes à bronzer, bondes à bomber. Elles seront trop bonnes, elles voudront qu'on leur donne. Et le dieu vacances les aura changées en cochonnes. Certains ont repris le ballon, sprint pour des champions. Faut goumer pour s'amuser, en même temps pour se tester. Le marchand de glace passe, Tinégrillon et Bougnoul ne tiennent plus en place. Cali après Cali, 16 après 16. Histoire sur les mecs qui pèsent, histoire de baise. On ne voit pas le temps passer, normal, t'y mal. C'est ça l'été à la cité. Les boutiques ferment, on fait les comptes. Bonne journée, ça tente. Certains veulent faire nocturne. Parler, rigoler, crier au clair de la lune. Jouer à chat policier, j'ai déjà donné. Je vais dérouler Blanca pendant que les stocks m'ont de deux mois. Anti-chanton froid, les petits du haut de leur fenêtre nous guettent et veulent en être. Avant qu'un trou du cul de cocu nous tire dessus, je m'arrache le temps d'aigrir des vessies. Ça va t'aider qu'un mec qui vient traîner dans le quartier. Je sais pas ce que vous foutez, mais maintenant vous savez comment se passe un été à la cité. Pas vrai les abonnés. Camion pour s'envoyer un guerre. Tard le soir, le roulage est épais. Van sur van, chacun prend sa part. Les sauces en savent beaucoup, elles remettent sur trottoir. On vit au jour le jour, on a fait du profit. C'est une putain de saison. L'heure du sommeil plus le désir des chattes. Donc certains escaladent pour dormir chez leur à toucher la tienne. De toute façon, l'été en tâte, les tétés en chaleur sont les chiennes. Une heure fatigué, je rentre à la case. Tandis qu'à la télé, pff, rien que du naze. Je vais me coucher, encore un jour où j'étais goûté. Demain, la même journée, oui c'est ça. Un été à la cité. Un été à la cité à l'instant. T'as vu ce qu'elle fait faire la canicule quand ça tape sur la tête? Les gens deviennent fous, hein. C'est vrai. C'est un bon choix en ce moment d'avoir récupéré son ministère là. Ouais. Un été à la cité, ça fait plaisir. Un gros classique celui-ci. Un gros classique, c'est. Classique rap français. Exactement. Qui a été saigné, re-saigné. Chaque été, les gens ils se le remettent parce que c'est bon. Il est lourd ce morceau. Un été à la cité, ce qu'on écoutait à l'instant. Ce soir, dans la nocturne, la Bouska Pofra qui est dans les bacs depuis le 22 juin. Avec des invités aussi. Tu nous as présenté il y a quelques minutes Bogdan. Yes. Il y a Vald qui est là aussi avec nous. Exactement. Et avant de terminer cette nocturne spéciale Bouska Pofra, on va passer aussi au live. Si Vald est prêt. Si Vald est chaud. Si ce sont chauds. On commence par Vald. Ouais. C'est quoi? Tu nous fais freestyle, un morceau, Vald? Tu fais quoi? Ouais, j'ai sorti un truc à propos des pyramides récemment. D'accord. Et ben, on route pour les pyramides. Parlons d'écailles. Retour aux pyramides. Sous tes guibolles, la terre s'ouvre. Mes bras sortent et font des wads. Trop de merde dans ton corps qui s'écriait pendez-moi. Ton âme la pute qui s'écrit fécondez-moi. Dame nature qui fond en larmes. Les humains qui font des lois. Retiens ma pipe dès qu'on s'écarte. Retiens ma bite, défoncez le toit. Vite, vite, retiens-moi, je tire. Je regarde la vie entre mes doigts. Je voile des monts des fois à slash. Des greux à fragments. Gros ce monde des barges, mais je craque pas sous la pression. Magma sous la méchon. Fracasse toute la légion avant que je ramène ma face. Tout allait bien, ma fac, je suis la raison. Sale fac, t'es la bestiole sur l'asphalte. Y'a que du royaume d'Agartha que je veux l'adhésion. T'envoie mes meilleures ondes. Dans le fond je suis tellement bon. Je suis pas smoji. Player blond, je rôti. Entre les bombes, je claudique. Jamais j'ai honte, pauvre type. Je profite avant les profits. Je fais mon possible pour mon possi. Mon poussin j'en roule un comme Jean Moulin. Y'a pas que de l'eau dans mon moulin. Je lâche un molard pour les moulins. Ma porte et bien des choses sauf la moula. Moulère mes poches. Moule deux fois ce fût mou. Moule deux fois sans fumer. Enculé, je suis plein d'amour. Plein d'atouts sur mon cœur et sur mon cul. Un blindage rouillé feinte la foule. Fin, j'ai fin de vie comme un défunt. Plein de vices comme un médecin. Je suis craintif comme un essaim. J'inspecte comme un médecin. Merde, vous êtes des insectes, pas des terriens. Je sais que tu veux m'arrêter, viens. Mec, tu peux, paraît que c'est rien. Je fais tout ce que je peux pour être serein. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Nique toutes tes middle trout de beat toutes petite bouche. Je rappe comme les Beatles ou les Winkles. Pour ni que des rimes de bourge qui plient le cou. NQN t'es pire que tout. Fils de pouf, l'empire te chouffe. La France est dépressive comme un arien tressé. Avec le temps, les spectres rétrécissent. Ça sert à quoi de stresser? Ma secte est réceptive, mon sperme est sélectif. Depuis que l'épée à bâche est maîtrisée, je fais que briser LDVA, ça devient prisé. Des dizaines veulent sympathiser, mais ça pointe comme les pyramides de Gizeh. Je casse une guinze et roule un terre très très aiguisé. Qu'importe l'heure, jamais déguisé. Frère, est-ce que c'est pigé? Des grands pylons aèrent le champ de mon viseur. Ton embryon de carrière dans mon freezer. Snitch, c'est quoi le message? R, NQNT n'est que présage, frère. La première tape part au pressage. Comme les guerres, toutes mes mères traversent les âges. J'brave ce game de brave, j'bève, j'axe mon zen vers les astres. Van, salut, salut, salut. NQNT 2, 2, 2. Val d'un instant et ce morceau, donc Gizeh, hein, c'est bien ça? C'est exactement ça, Gizeh. Gizeh, exactement. Pour ceux qui ont fait de l'histoire, qui sont pyramides et dologues. Merci en tout cas pour ce live, toujours aussi carré, toujours aussi bon. Merci. Merci à toi de me survendre. Toujours aussi exceptionnel. Oh là, m'en parle pas. Et qu'est-ce qui va se passer le 25 septembre? Alors là, écoute, le 25 septembre, tous les reptiles sont sortis. Il n'y aura que des écailles. Il ne restera plus que des écailles. Exactement. Après ton passage. Exactement, il n'y a déjà que ça. Il n'y a plus que ça en tout cas. Mm-hmm. Bon, tu restes un petit peu avec nous, on va découvrir maintenant Bogdan en live. Bien sûr. Fif, tu veux rajouter quelque chose sur ce qu'on vient d'entendre sur Val, sur Bogdan avant de passer au live? Non, bah t'as vu, on laisse parler le micro, donc il n'y a rien à rajouter. Hein. Et bah allons-y, Bogdan, tu es prêt aussi? Bogdan. C'est parti. Session live dans la nocturne, la Bouscapé fera à l'honneur. Et Bogdan à découvrir maintenant en live. Ma belle. Excuse-moi, t'es grave bonne. Ton petit copain, je suis son remplaçant. Je te baise, achète mon album. Presque pas de pote. Si qu'ils se ressemblent, ça semble. Alors que Dieu me pardonne. Sur le tour de la vie, je roule à 260. Nique ça, merci, je cartonne. Le major en l'air fait partie du geste. Quand la police vient pour nous fouiller. Là, je suis dans la chatte à l'archiduchesse. Elle est passée chez elle, est archi mouillée. Depuis, je kick cette bitch, je me lâche plus. Baby, get up, j'ai pas ton time. J'en ai vu des kinésithérapeutes. Mais aucune salope ne masse le crâne. Yeah, je suis ni ton pote, ni le pote à ton pote. J'écrivais mes premières phases, tu mangeais de la pompote. Je pèse ta meuf et pas en vrai. En vrai, pas le temps pour la galanterie. L'entrée. Fuck les verres à moitié vide. Je les voûtais bien remplis. Fais péter le cristal, même si t'es massif, je te pèse en freestyle. Je vais te laisser des marques. Appelle-moi Chris Brown, sale fils de pute. Sale fils de pute. J'écoute pas tes balivernes. À ce qui parle, les femmes sont toutes des sorcières. Moi je pèse les traceurs, allez, well. Sur la langue à Molière et ne croise les doigts. Et ne crase les doigts. Sur la chatte à Nolwenn. Ouais, le roi c'est moi. Ouais, le roi c'est moi. À part du vent, sale fils de pute. Tu vas placer quoi? Tu me veux du mal, j'espère pour toi que je te recroiserai pas. Je te recroiserai pas. Chill, moi c'est pas mon père. Je mets deux doigts dans la concurrence. Le bonheur est secondaire tant que t'as de l'argent sur le compte qui rentre. Je veux que mon banquier me complimente et me faire pépon par la secrétaire. Ouais, regarde mon dos, espèce de p'tit bâtard. Non, tu seras pas le premier con qui le plante. Ok, vas-y, ramène-moi de capitaine. Ce soir, on va se vider de 2-3 pétards. Je la laisse passer devant, je regarde son pétard. Dealer, je me rappelle même pas de son place. Je veux la vue sur tout Paris. Brasser de la monnaie dans les Qataris. J'ai galéré toute ma vie. Je porte pas de mes fautes, je prends du gabarit. Gabarit. Motherfucker. On passe à la suite, hein. Yeah. Bug motherfucker. Y'a kick tu sors, t'es comme bras cassé. J'kick du sale depuis le bac à sable. Bac à sable, si vous n'êtes pas gazé. J'vous baisse tous mes gars à sable. On les soulève pas comme à la salle. Faire du bif, c'est quotidien. Sur ma vie, le prochain qui me parle de soi, et j'lui fais sucer mon tibia. Plus je prends du poids, plus les jaloux maigrissent à vue d'œil. T'avais tes premiers poils, cousin, j'écrivais jusqu'à plus d'heures. Je ne ferai pas de ferme tant que j'éviterai la famille. Je n'ai jamais eu de frère, donc me dis pas la famille. Je monte les échelons avec ou sans toi, je prends jamais l'escalateur. La concurrence est tellement loin de moi, ça n'a pas ma terre. Même si le rap arrondit les fins de mois, ça va, je suis pas grappeur. Petit cœur cherche salope adéquate, ça reste ici qu'un barqueur. La relève de demain, je te la sur ses nœuds. Je suis trop parisien, le cœur sur la main, j'ai la main sur les sous. Motherfucker, I'm back. Dis-leur que je suis toujours debout. Ton méga va baiser la bac. Ramène ta patrouille, on fera des films de boules. Je te le répète, les choses se passent bien. Enfin bref, on n'y passera pas à l'après. Y'a que ceux qui parlent en vrai qui brassent rien. Ceux qui brassent, ils parlent après. J'aime bien qu'on me passe la crème. Je préfère qu'on me suce ma bite de sale russe. Ma belle rabbit, c'est pas la peine. T'es plus plate que Miley Cyrus. Je pète un spliff dans la Benz. Accélère, on va les perturber. Pour que des pénalties dans la tête. C'est comme ça que l'arrivée nous faire du pied. Pour ma putain de voyoucratie. H24 pété sous Jack D. Well, ami, je veux des sous faciles. Bah les potes, je les fais sans jacter. Je l'emmène à l'hôtel, je suis comme des SK. Cette sale pute, on va la faire tourner comme la manette de ta PS4. Dans ma lancée, je peux pas faire d'escale. Parle-moi de monnaie, sinon ça m'intéresse pas. Comme Red, j'ai pas ton temps, j'ai pas ton âge. Les jaloux me mettent des pattes plein les pattes. T'es pas content, prépare ton clash. Là, je t'avouerai que j'en ai rien à battre. Je côtoie que des poulettes superficielles. Je suis sûrement là pour me faire sucer vite. Je connais ton boulet, toutes ses ficelles. Crois pas que le beef maker m'appelle, y'a mes sous qui m'appellent. Toujours dans les temps quand c'est le jour de la paix. C'est mon côté beatmaker. J'tape les pecs, la revise le cœur. Je vois sur des frappes en guise de plume. Croyez-moi les mecs, j'ai vu des fils de keufs qui marchaient plus droit que certains fils de pute. Paname sale sous l'ambeur. Tous nos ennemis s'écroulent sous l'ampleur. Vas-y fais péter ce que t'as dans les poches. On s'en bat les couilles de ce que t'as dans le cœur. Pas de bac plus sans que des bacs sans plus. J'ai vu trop de vodka, je me réveille, il me semble que j'ai l'accent russe. J'ai bu trop de vodka, je me réveille, il me semble que j'ai l'accent russe. Bogda Farka, merci mon collègue pour ce bac de qualité. C'est la nocturne avec Bogdan. Et en effet, ouais, présente le poteau qui était là aussi au micro avec toi, Bogdan. Farka. Farka. Mon gars, va. C'est la même équipe, on marche ensemble. Et donc, c'est à suivre. À suivre. À guetter. Il y a une adresse d'ailleurs où on peut te suivre, le net. Il y a des réseaux sociaux. T'as une page Facebook, Bogdan. Bogdan. Tu me trouves. Et faut aller cliquer direct dessus. Tu cliques sur j'aime et c'est parti. Et ben, merci d'être avec nous, tout comme Vald ce soir pour cette nocturne. Avec FIF au contrôle, on part sur quoi comme morceau FIF? Tu m'avais apporté aussi du PNL, du Giorgio. Ouais, voilà, PNL, Giorgio, bah. Qu'est-ce que tu veux, vas-y, on va. Moi, je veux bien découvrir PNL et que tu me parles de PNL parce qu'on n'arrête pas de m'en parler ouais, aussi. Ouais, PNL, bah c'est. T'as dit quoi? Parlons de PNL, putain. T'aimes bien? C'est incroyable. Ouais. Ah ouais, c'est intense. Voilà. C'est PNL, que dire, c'est des mecs du 91, ouais. Corbeil, les Tarterets. Donc, ouais, encore. Qui encore. A dit encore. Là, c'est le 9-1, là. Après Niska, ouais, c'est Mehdi, manager. voilà. Et ouais, c'est des mecs du 9-1, des Tarterets. Ils ont c'est des frères, ils ont 20-21 je crois. Et voilà, ils sont forts, très forts. Combien? Attends, hier on m'a dit 21, je comprends pas. Et bah, ils ont pris 5 ans en l'espace bah, de 4 heures. Bah alors 26-28 parce qu'hier on m'a dit c'est des jeunes de 21 ans donc. Bon, en tout cas ils sont jeunes. Bon, juste, voilà, on va pas dire leur âge. Ils sont frais, ils sont jeunes, ils sont frais. Voilà. Donc peu importe. Exactement. Donc PNL et ils ont tourné leur dernier clip pour ceux qui connaissent la série Gomorra à la télé, ouais. Voilà. Gomorra, ouais. Exactement, ils ont tourné leur dernier clip là-bas, dans la cité. À la Scampia, exactement. À la Scampia. Exactement. Et voilà, c'est les mecs chauds du moment. Et voilà, ça à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Et ceux qui connaissent, ben, ils connaissent. Ça allez. Fait. PNL, le monde ou rien. Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés d'Aracli, Igo, on est voué à l'enfer. L'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à Bombay, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall, j'ai vu Yank livoté blanc. Onga, onga, onga, ouais. Mon gars, j'serre. Du taga, taga, AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de balifer. Je veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour oh mais oh. Non mais allô, non mais allô.

sandwich, mais on met pas les mêmes crocs. Je peux ouvrir une boucherie, je côtoie des jambons, des salamis. Faut du wari, je veux des couilles en noir comme elle a la vie. Y'a ta tête, personne ne doit séparer. Le chargeur sera vidé sur le videur si jamais on se fait recaler. Nouvelle époque, ça se moque la weed avec la vodka. Madame la juge, on se défend tout seul, pas besoin d'un avocat. 9-1-9-1, gros tarpé à palpé, zigo, ils sont pas prêts. 9-1-9-1, on va tous te piquer, zigo, ils sont pas prêts. Tête à tête, toi, la vie, là, ils sont képi, on te cassera le nez. Ratatata, on te laisse aucune chance, on visera pas le mollet. Équipe de malade, à rime arrangé, vos femmes, on veut de la monnaie. Parle-nous de vivre, parle-nous plier, le moment est venu de tout niquer. Wow, wow. Dans les temps, tu rappes dans un lac. Tu que t'es trop gentil, t'as mis ton gun sur ma tempe. Je vais vite passer du coq à l'âne. Des gaines de sneaker avec du genre dans les dents. On fait l'effet de la grippe, c'est pour l'effet du coq à light. 91 ici, tout est clair. Entouré que de bandits, t'es entouré à la crème. Hein? Les dents sont crimes et j'ai toujours la crème. Fils de pute, j'entends ta chicha avec une beurette à crêle. Avec une beurette à crêle. Wesh, wesh. J'arrive devant la juge en disant wesh, wesh. C'est pour mes Karim, François et Alu. Toujours debout comme dans le Delaware. Je suis un chanteur dans l'âme. Je veux chanter pour ceux. Sont battent à la tête, tu vois que je suis dans la punchline. Ma parole c'est comme ma bite, négro j'en ai qu'une seule. Wesh, 2-0-1-5, on va les wesh. On va les faire cavaler comme on wesh. Rappelle de ce coup dans ton abdomen. Nouvelle époque, ça se moque la weed avec la vodka. Madame la juge, on se défend tout seul, pas besoin d'un avocat. 9-1-9-1, gros tarpé à palpé, zigo, ils sont pas prêts. 9-1-9-1, on va tous te piquer, zigo, ils sont pas prêts. Tête à tête, quoi, la bille, là, ils sont képi, on te cassera le nez. Ratatata, on te laisse aucune chance, on visera pas le mollet. Équipe de malade, à rime arrangé, vos femmes, on veut de la monnaie. Parle-nous de vivre, parle-nous plier, le moment est venu de tout niquer. Bousca Peufra, c'est dans les bacs depuis le 22 juin, avec à l'instant... Ça c'était E2M, mm-hmm. Donc c'est un collectif du 91, donc il ouais. y a des gens d'Evry, de partout, du 9-1, et c'est managé par Sidi, un mec de mon quartier, un petit de mon quartier, du canal, à Courcouronne. Et ben, bon courage aussi pour la suite, ils sont sur la Bousca Peufra, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Yes. Avant que tu quittes, allez, encore 2-3 morceaux, Fif. Ah, faut pas que t'appuies sur ouais, le bouton. Ouais, tu m'inquiètes. Ouais, donc on va passer 2-3 morceaux. Ah, c'est moi ? T'appuies bêtement tout seul. Merde. Donc, ouais, on va passer 2-3 morceaux. Donc, on va passer du Vald, du Giorgio et du Giz. On repart d'abord sur Giorgio. Ouais, Giorgio, ouais. Giorgio, lui aussi arrive à l'enregistrement au mois d'octobre. Ouais, il est bon. Ouais, lui, il fait partie des mecs qu'on suit, qu'on a déjà filmé, qui a déjà des freestyles sur Bouscapé. Et donc, il arrive à la rentrée. Voilà, et c'est Antoine, le grand Manitou, derrière, qui gère ça, un 995. Donc voilà. Appel à la révolte avec Ironside, tiens, qu'on retrouve d'ailleurs sur ce morceau aussi. Yes. Dans la ville, mes gars tiennent leur bouteille par le couloir. Touche à la famille, aura des bénévoles pour le sale boulot. Un tiers de menacé, on sait que t'excèdes dans le blabla. J'ai jamais tapé de lacets, posé dans des grands apparts. J'manie les lettres, mes textes sont meilleurs que les mandats cash. J'ai aucune dette, mais je suis stressé comme un trader de Goldman Sachs. Oh là là, pose la cam, c'est de la frappe, c'est trop grave, plus le déçu. Tu vas pas assumer comme un frère amoureux d'une pute. Quoi de plus fort, le bonheur avec ou la tristesse sans. La routine en viol auquel on assiste pleinement. On dit que ça va au bord de la falaise qui a pire. Regarde le fumer son crack près du bowling de bord de la chapelle. Je représente le Street et Vitchville, échapper les villes. Si ces victimes se prennent pour des rappeurs bling bling. Bang bang, c'est si triste. Des peines de ballon, ça flirte avec le triple 6 dans un survêt de Chelsea. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. Dans le rap, t'es les Beastie Boys, dérite comme une petite chiale. On contrôle les flics misogynes, je te crois, ça fait clic clic pas. Sans m'étant, je déteste la violence, je préfère au la romance. Si tu joues trop l'arrogant, je suis obligé de rentrer dedans. Même si ça me fait mal au cœur, je te mets des droites avec la main qui écrit mes textes. Prends-toi mes droits d'auteur et pour le reste, tu veux l'astuce, en bas du sky, je te la donne. Je crache le feu, je suis éclairé par les flammes de la mort. C'est pour les dentistes qui finissent édentés. Les grossistes qui mettent du pif dans un matelas éventré. J'ai fait les 400 coups avec des milliards de frères. On a trop de proches là-haut pour eux. On est devenus des pirates de l'air. J'ai mes failles, j'ai mes qualités. J'ai mes straps que des cassures que même ma mère a validé. Pour demain, je t'avoue que j'ai pas d'idée. Une chose est sûre, nos bagages sont prêts, on se laissera plus dévaliser. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. C'est un appel à la révolte.

100% rap français. Avant 100% explicit lyrics. La nocturne. Yo. Juste. Ok. Je suis le rap français. À chaque rime, à chaque punch, je suis le rap français. Je suis le rap français. Je serai le rap français. Je suis le rap français. Chaque son, chaque album, je serai le rap français. Yeah. Le rap français. Moi je ne rappe que des solutions. Pourquoi ma musique pose un problème? Chez nous c'est Koh-Lanta en 25 piges. J'ai pas eu de totem, gars c'est corrompu. Comme tous ces flics qui roulent en Q7. La vie c'est pas une friandise, même si ça part en sucette. Retour à mes pyramides en vrai. Je peux pas être plus précis. Concurrent avec mes frères, un peu comme Coca et Pepsi. Leur son de merde en radio désormais ne m'amuse plus. Comment ça pue, c'est de l'abus. Dis-moi, tu rappes ça du cul? J'essaye de joindre les deux bouts. Assis sur mon trône, aiguisé ses couteaux. J'ai pris sur mon dos. Le temps passé, passé, passé. Votre rap game a bien changé. J'essaie de faire mon bilan. À dire sur mon trône, j'ai du poison dans les veines. Depuis que je boxe avec mes mots de tête, je suis vrai même si on récolte le blé qu'avec les faux. Un regard de fauve dans ma rétine. Crois-moi, y'aura Dieu pour les sauver. Pas ma pitié, pas la médecine. Dans ces plantations, on poussait les fruits de ma passion. Dans mon cocon, j'écris des rimes à effet papillon. J'y raconte ma dérive, je me fais un sang d'encre. Et si t'es un pirate, tu vas pas ramer pour me comprendre. Je parle peu, je fais mes connexions en secrète, même si c'est rage. Le silence est d'or pour les colliers du micro d'argent. Le tri est sélectif entre les vrais gars et les ordures. Vivre avec des chiens, c'est s'exposer à une mort sûre. Il n'y a que vainqueur que je quitterai le ring. J'ai fait un rêve venu d'ailleurs. Je suis un martien, Luther King. Dans ce monde de moutons, comment savoir qui fait le loup? Tout le monde met son grain de sel. Comment savoir qui fait le goût? Dans les préjugés, les modes, je vois la jeunesse qui s'enferme. Veulent remettre en cause une carrière avec un commentaire. Aucune prise de distance, y'a que des couleurs et des goûts. Si tu kiffes pas, poteau, tu cliques pas et puis c'est tout. Remise en question. Nécessaire d'y répondre comme commander Smack Morning. Éviter de péter les plombs. Je suis à deux doigts de prendre les armes, cousin, sur la mauvaise pente. À deux doigts de les presser dans mes rares moments de détente. Qui veut tester au microphone? Qui veut m'empêcher de rapper? Qui veut me faire une scène de bâtard sans goûter mon AK? Mon avenir en danse si, mais Dieu est grand, je touche du bois. On n'a rien sans rien, donc j'ai la foi. Dis-moi qu'est-ce tu crois? Imagine si le rap était vraiment mort. Qu'il n'ait jamais existé, jamais été à tort. Si Jay-Z était blanc, si Eminem était noir, imagine ce que serait le game. Il aurait sûrement rien à voir, il n'aurait sûrement rien à dire, il n'aurait sûrement rien à penser. Et mes loups n'auraient jamais appris à danser. Il me suffit de 16 rimes, tu vois mon talent est surchargé. C'est comme si t'avais jamais entendu de rap français. Envie tous les emboîter comme à Tetris. J'ai plus le temps d'attendre que les jaloux maigrissent. Que t'écoutes, c'est juste mon cœur sur une bande son. Ma musique m'a kidnappé, le prix de mon CD n'est qu'une rançon. J'ai revu mon code de l'honneur, j'ai tout passé au crime. Je ne serai que moi-même jusqu'à la fin. Qui t'a passé pour cible dans le téléviseur, dans le journal de Chazal. Obligé de crier dans le panique si j'avais la barbe de Chabal. Ma jeunesse enfumée dans un 12 de bœuf. Posé en boîte en se demandant qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. Toujours de ceux qui bougent, pas de ceux qui se chient dessus. J'ai décidé d'être dans l'arène, faire le taf comme Crixus. Dans le quartier, les petits frères marchent dans mes pas pour faire les flammes de l'enfer. Vu que le paradis n'est pas toujours sérieux dans mes affaires, gros. Je vis dans une ville froide comme Stockholm et j'en ai chopé le syndrome. Dès que je prends ce mic, moi je sens la douille, hardcore. Comment croire qu'aujourd'hui mon monde découle? Je navigue presque à vue. En vrai, je suis pas de la nouvelle vague, fils. Je suis tsunami, tu sais quelle pilule j'aurais pris dans Matrix. Qu'ils retournent faire des stages, ils sont nazes. Je suis poète depuis que je sais ce qui fait marcher les sages. Pars en couille dans mon esprit, direct quand je m'exprime. Violent comme si j'étais le deuxième fils caché de mes frites. Je pars à la chasse, gros. Je perds pas ma place, je vais les fumer pour minuit pile. Perds pas la face, écris des poèmes de guerre, un genre de John Rambo. Dans l'oreille sur ma musique et fini comme Dumbo. Presque au sommet de mon art, je prends des risques, je mise tout, je mets mon grain de sel et peu à peu j'ai pris le goût. Les portes sont closes comme des maisons de passe. Je ressens la musique, c'est pas des boyaux que j'ai dans l'abdomen, c'est des caissons de passe. Je prends les paris, je lance les dés. Ils passeront pas l'hiver, je suis de ceux qui bossent quand ces connards dansent l'été. Je voulais rapper, avoir la vie qui va avec. Ça fait pas que les galères, des illusions, ça va avec. Tête dans les nuages, les pieds sur la terre ferme. Je connais l'enfer, je te le jure, sur les trois têtes à Cerbère. Je dois faire le taf pour mes aïeux et mes descendants. C'est peut-être pendant, mais ça coûte cher d'être indépendant. J'ai pris du recul, sûrement grâce à une arme de guerre. C'est tous aidés, tous les fumés, a fini par me plaire. Je voulais changer, mais c'est mon naturel qui me chasse. Arrêtez les joints dans les halls, rien aux darons qui passent. catalogué, coupable à chaque fois. Cherche un moyen de s'enrichir, même s'il faut violer chaque loi. J'ai pris le micro comme une sarbacane. Avec ma clique, on a grandi dans ces rimes sceptiques. Ils disent que le rap est dead. Je peux pas admettre qu'il périsse. Pour ça que j'écris avec la plume des ailes du phénix. C'est quand je rappe, j'ai l'ambition qu'il renaisse de ses cendres. Qu'il me dise d'aller plomber celui qui voulait le descendre. Ce game a besoin d'un gynéco pour une deuxième consultation. Il accouche de beaucoup de mères, mazel tov, c'est des garçons. Donc le podium on gêne pas, on va le prendre. Au pire on partage, on fait les choses, on s'arrange. Vous n'avez plus qu'à envoyer la sophore. Je resterai vrai jusqu'à la mort. Joue pas les durs, les boss, les tueurs à gages, les bandits. Mais désolé, c'est bien dans cette rue que j'ai grandi. Vous n'avez plus qu'à envoyer la sophore. Je lève les bras parce que je suis fort. Grâce à Dieu, à ceux qui soutiennent, je serai là pour longtemps. Que le rap français envoie la sophore puisqu'il m'entend. C'était Jizz avec. Stop. Ouais. Stop. C'est fini, c'est fini. Attends, j'avais un autre morceau que je voulais passer. Ah, mais si, bien sûr, non. Stop, stop pour ce morceau. Alors, parle-nous de Jizz, deux secondes par contre. Alors, Jizz, c'est un rappeur du 9-3, je crois, si je me trompe pas. Ah, 7-8, pardon. Parce que la dernière fois que je l'ai filmé, t'étais pas loin. Non, parce que la dernière fois que je l'ai filmé, on était dans le 9-3, en fait. Okay. C'est pour ça. Et donc, que dire, Jizz. Voilà, t'as vu le morceau qu'il nous a fait, morceau, je sais pas, il dure combien, 6-7 minutes. Ouais, il a, si les gens ont capté, il a repris plein de phases de rappeur français. De rappeur français, plein de clins d'œil et tout. Et voilà, moi, c'est le genre de morceau que j'aime et tout. Voilà. Donc, cool. G-Y-S. S pour aller suivre, pour avoir plus de renseignements sur le garçon. Ouais, exact. Bon, Fif, alors quel est le dernier morceau que tu veux passer? Ah, merci, t'es gentil, frère, parce que normalement, c'est le dernier. En fait, voilà. Je voulais passer le morceau Excellent de Section d'Assaut featuring H Magnum. Donc, ce morceau, il était extrait de la Bouska Tape volume 1 qui est sorti en 2012. Et voilà, bête de morceau. Section d'Assaut, Watibé, c'est une grande histoire d'amour entre nous. Donc, ah bah ouais, il y a des vidéos totalement inédites. Hein. Voilà, exactement. Donc, je voulais le passer parce que c'est un bête de morceau. Il y a le Fa dedans. Mmh. Le Fa qui revient aussi. Le Fa qui revient, qui fait son comeback. Et déjà, ça fait bien plaisir aussi. Ouais, ça fait plaisir. Ce morceau, il est bon. Bon, j'ai eu la chance d'écouter quelques morceaux quand même. Donc, je pense que voilà quoi, ça, les gens vont apprécier. Très bien. Bah là, en attendant, donc le morceau Excellent. Hey, boucle là, t'es pas mon père. Excellent flow, excellent H, excellent, excellent flow, excellent H, excellent, excellent flow, excellent H, excellent, excellent flow, excellent H, excellent. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Mais ça fait bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Qui veut me canner, me saigner, me voir dévaler. Rafale de plomb dans leur calais, les jaloux ne pourront plus parler. Yes. Chialer cette année sera salé dans ce game. Trop de salopes quand j'rappe, ça sent l'homme. Quand tu me vois, Harry, passe-moi le salam. Reste pas là, c'est plus chaud que le hammam. Paname, le trône se trouve par là. Dépasse-moi ta lame, que je les rende tous halal. Ma vérité sort de ta cheveu comme une glace. Oh. Tu veux un feed, va prendre ta cheveu, rien n'est gratos. Ah. Je vais vous faire avorter. Hassoul, poussez-vous, j'arrive en char d'assaut. Je suis trop haut, bouffon, comme on me surinait. Ceux qui me crachent dessus reçoivent les gouttes sur le nez. Je côtoie des haramis, des mecs sans limite. Qui te serre la main juste après tes limites. Excellent flow, excellent fal, excellent, excellent flow, excellent fal, excellent, excellent flow, excellent fal, excellent, excellent flow, excellent fal, excellent. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Faire l'orgueilleux, mais franchement tester qui peut. Quand y'en a un qui sera derrière, y'a le reste qui peut. Les mecs ils se croient trop forts, mais wesh c'est tous des types. Ils parlent, mais se barrent en douce dès qu'ils peuvent. Nous compare pas à ceux qui faisaient la teuf pendant qu'on t'a fait. À côté de notre parcours, Harry, leur bluff c'est des contes de fées. On se place en tête des charts en fait, c'est pour ça qu'ils nous détestent. Mais si le rap était un diplôme, tout le monde devrait repasser des tests. Yes, I speak English, motherfucker. Par souci, je comprends si tu yesh dans ton frocker. Wow, bah dis donc, j'ai du swag. Pour les autres candidats, disons que ça dissuade. Oh, faut pas que je me la raconte. On va me jeter l'œil. Mais si tu ranges que dire mon nom, achetez-le. Watibé, excellent, excellent flow, excellent, excellent. Excellent flow, excellent gims. Excellent, excellent flow, excellent gims. excellent, excellent flow, excellent gims, excellent, excellent flow, excellent gims, excellent. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'envers. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'envers. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'envers. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur. Ici rien que ça pense, t'es tombé sur un os, fort, t'es fait de noces. Voilà le monstre du Loch Ness où sont passés vos locks. Gourmonza, Gounor, voilà la vie d'Aloca. Tu sors la voix de plus, me parle pas de plus de cycla. T'inquiète pas l'ami, j'suis encore faire des cyclas. Et ils se demandent tous, maître Kims, mais qu'est-ce qui se passe? J'deviens impoli, comme les films, ça nous saute pas. Ouais les gens, j'vais vous crever, rafale chavot dans les caves. Vu qu'est-ce qui se passe, ambiance et que style là c'est McGill. Perso stick, mais ambiance, canicule, je vais vous péter la clavicule. Ça va gravite, j'vais tout gravir comme son foire, Mr. Kravitz. Ose me dire qu'on a pas percé, puis faire du sale, c'est la vocation. Bande d'enfoirés, retiens bien, y'a pas de bruit, elle canne à voix cassée. D'un côté, t'as maître Gims, la rivière, les rivaux, tu m'as vu, plein phare, voix de plus, rurive. Excellent flow, excellent pas, excellent, excellent flow, excellent pas, excellent, excellent flow, excellent pas, excellent, excellent flow, excellent pas, excellent. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Rien à foutre des compliments, donne-moi le détecteur de l'eau. Et ça fait bang, bang, bang. Bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang. C'est la nocturne avec au contrôle Monsieur Fif. Yes. Le patron, le CEO. Oh non, dis pas ça. Bouscapé avec nous. On est des gens réservés, timides un peu, tu vois. Avec la Bouscapé Fra qui est dans les bacs depuis le 22 juin. Puis donc, ça, c'est un petit tour en arrière. Un petit tour en arrière, section d'assaut. Section d'assaut, H Magnum, voilà. Avec H Magnum. Et voilà, gros morceau. Et... ils avaient fait un bête de live en plus. Ce live, il l'avait fait à Sky. Et la vidéo, vous pouvez la trouver sur le net. Et très lourd. Merci, merci à Vald d'être passé ce soir dans l'émission. Merci Vald. Merci à vous. On rappelle que le 25 septembre, ce sera une date culte. Exactement. Tiens, forcément. Juste qu'on t'entende bien quand même. Forcément culte. Exactement. Forcément culte, puisque ce sera la sortie du projet de Vald. Exactement. Qui est déjà en préco. Et qui est déjà, déjà en préco d'ailleurs, c'est vrai. Bah, allez cliquer tout de suite, j'ai envie de dire. Avec le morceau Selfie qu'on a passé, voilà. On a passé juste avant. Bah, par exemple, si vous avez aimé Selfie, vous êtes obligé d'aller cliquer tout de suite. Voilà, hop. Exactement. Qu'est-ce qu'on pense? Pour passer un bel été, ouais, je pense. Et bonjour. C'est un projet intéressant. Si, le bon bonjour. Tout à fait. Et bonjour aussi, donc allez cliquer. Merci en tout cas, Val. Passe de bonnes vacances. Je sais pas si tu pars un petit peu ou si tu vas bosser. Ou... ouais, on va bosser. On va bosser. Merci aussi à Bogdan qui était là avec nous. Merci à toi. Yes. Ça m'a fait plaisir. Et donc ça aussi, c'est à suivre, Bogdan. Bogdan à suivre. Il y a un freestyle, son freestyle qui est en ligne, je crois. Ouais, qui est en ligne, qui sera en ligne ce week-end. Donc on a fait un freestyle pour la compile. Et voilà, si vous voulez voir comment il rappe et voir un peu sa tête et voir un peu ses gars, l'ambiance, tout, allez regarder le freestyle. Allez faire un tour. Merci Fif aussi. Merci à vous. Merci frère. C'est la première nocturne. J'ai pas eu de nocturne pour la Bouscapé volume 1, je sais pas. Il y a les boycotts, tu sais, c'est boycott forcément. Mais depuis. Ouah, c'est bon. C'est ma maison ici. Tu connais. Mais tu vois, j'habite ici, ça fait plus de 10 piges. Et c'est vraiment bien. Bouscapé rachète Skyrock, quand même, ça c'est un grand truc. Ouais, super. Au bout de 10 ans pour fêter les 10 ans. Pour fêter les 10 piges. Skyrock, Bouscapé, ouais, c'est une grande histoire. Merci patron. Merci patron. Ouais, de rien. T'inquiète. Bon, merci à toi en tout cas. Et continue force beaucoup. Pour les 10 ans de Bouscapé qui arrivent là au mois d'octobre. Et encore plein de Bouscapé franc, encore plein de Bouscapé tape, encore plein de surprises. Bouscapé salsa, Bouscapé dance. Plein de choses. Ouais, ça marche bien. Voilà, c'est important. Des gars comme Fif qui sont partis juste avec une petite caméra et qui montrent. Qui monte. Tu te rappelles à l'époque en 2000, je venais à Skyrock en 2001. Ouais, je venais avec ma caméra, j'étais avec Olkin Rie et comment tout ça. Pas, comment ne pas, comment ne pas penser à ces moments-là avec une petite larmichette à l'œil. Voilà, tu vois. Le côté nostalgique. Et ouais, t'as vu, on en a fait du chemin. Bon, merci à toi en tout cas, Fif. Merci à vous tous. Et la nocturne continue, 100% rap français maintenant. Planète Rap, 100% explicit lyrics. Et la nocturne, ça continue. Session classique, fabuleux au contrôle. Ambiance-nous ça maintenant. Nocturne, yep. Voilà le son que j'attendais. Surtout en période tendue. Moi, je sors du 9-4, j'évite les coups tordus. Depuis mon adolescence, j'évite les pièges tendus. C'est tendu, et alors, on assume quand c'est tendu. Respect, homme de paix, ouais. Mais y'a un malentendu. Tout le monde devrait nous marcher dessus. Je résiste, et tu prétends être déçu. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est toi qui me déçois. Qu'est-ce que t'as de fou, toi? Plus question de me justifier. Refrais, ça date pas d'hier qu'ils essaient de me crucifier. Tous attendent ma chute. Guette le faux pas.

désobéissance, car la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous. Skyrock, rap R&B en premier. It's too hard to sleep.